Tu la bites, ouais, pourquoi pas. Ou la prendre, ou la, bon, la saisir. Il ouais, n'y a plus de bateau. Lui. Ça doit être bien d'être comme lui parce que tu es dans le contrôle. Lui, il est dans le contrôle. Il lâche pas prise. Non, lui. Alors, il est dans le contrôle. Donc, en fait, amoureux, tout ça, c'est non, pas... Non, attends. Quand il perd... C'est très dur, c'est très difficile. On n'est pas connecté. Bah, si, il tombe pas, il a toujours le dessus, il a jamais prise. Qui ? Allô ? Non. Allô ? C'est bon. Oui. C'est comment votre, ton prénom déjà, cher ? Fabien. Fabien. Bon. Donc, il a jamais prise. C'est pour ça qu'il n'a pas ressenti ce que toi et moi on ressent. Il veut pas, comme tu dis. C'est il, pas que je veux il pas. Il veut pas souffrir. Il veut pas lâcher prise. Il veut. Je m'autorise à lâcher prise. Qu'est-ce que je fais ici d'après vous ? Oui, mais tu t'autorises non, à lâcher Dieu. Prise, mais chez toi, avec ta petite branlette. Ton petit joint. Non, les joints, c'est fini. Voilà. Et la branlette, c'est une fois par semaine dans ton ou univers, deux, si vous voulez savoir. Mais tu ne dépasses jamais la limite. Tu dis jamais la limite de ton univers. Bah, j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort maintenant, beaucoup plus. Sexuellement, tu l'as déjà fait ? Sexuellement, pas encore, mais ça viendra. Voilà. Ah, mais bien sûr. Bravo. Yeah, oh, bah, Je suis plein d'espérance. D'ailleurs, vous êtes très jolie. Mais malheureusement... On est tout corps avec toi. Merci. Mais je ne suis pas là pour séduire, si ce n'est peut-être... Si, parce que les gens dehors sont un peu fêlés, mais... Oui, il faut que tu te jettes à l'eau. En dedans aussi. Ah si, ils sont plus fêlés qu'ici. Hein. Oui, ah, je peux te l'assurer. Non, oui, mais ah, les gens dehors, ils sont comme, ils n'ont pas d'empathie. Hein. Pas attention. Et je pense qu'ils réfléchissent un peu moins que nous. Parce qu'ils ont une vie qu'ils doivent, non, qu'ils doivent mener de pas. Plein... Ils s'appuient sur les autres. Ils n'ont pas d'empathie. Non, ils mordent. Voilà, seul leur gueule compte. Ils se mentent à eux-mêmes. Hein non, ils mordent carrément, ils vont pas voir. Ils savent même, ils savent même pas qui ils sont réellement. Non, toi et moi, peut-être. Oui, ils n'ont pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Ils ont des jobs, des enfants. Ils ont des voitures. Ils doivent aller au supermarché. Qu'est-ce que tu doivent aller chercher des harengs fumés tous les soirs. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu appelles une vie parfaite ? Ils se mentent à eux-mêmes. Moi, au début, je parlais comme toi. Et quand je me balade à Carrefour, je regarde les gens, je me dis, mais c'est pas possible, ils sont pas heureux. Ils sont dans le déni total. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ils sont je en couple connais parce un que peu. De l'oseille. Ils sont en couple parce qu'ils sont de la même religion ou du même machin ou du même machin. Ils ne s'aiment pas. Ils sont pas heureux. Non, alors ils intéressent. Voilà. Moi aussi, des fois, j'ai envie. J'aimerais bien avoir une maison avec un jardin, avec une voiture, tout ça. Moi, j'aimerais avoir une grotte, une vraie caverne d'Ali Baba. Une grotte. Mais... Ah ouais, ouais. Non, ouais. Ils sont pas d'empathie, ces gens-là. Attention. Hein. Des fois, c'est peut-être mieux de rester dans sa zone de confort. Moi, quand j'en sors, quand je rentre chez moi, je suis malin. Ah, les ondes que je reçois. Ah ouais. C'est parfois agressif. Ouais. Ils se rendent pas compte de leur que leur normalité à eux est très très agressive pour nous. Bien dit. Et on n'en veut pas. On en a parlé là-bas. Et qu'on ne veut pas de leur normalité parce qu'ils veulent te faire entrer dans leur normalité. Mais on vit dans un monde. Voilà, dans des cases. Et moi, je vois la case hyper agressive. Ils sont hyper agressifs. Mais je pense qu'on vit dans un monde malade et qu'il faut s'adapter à ce monde. On n'est pas malade, toi et moi, chérie. On n'est pas malade, ceux qui sont malades. Le monde est malade. Et les gens qui sont dans le monde traditionnel sont malades. Et ils s'estiment normaux. Et nous, nous sommes peut-être troublés. Et c'est peut-être nous qui sommes normaux, en définitive. Oui. Au final. Oui. Normaux, j'ai dit normal. Alors peut-être que c'est le Messie. Peut-être moi, je suis vice ou... Marilyn Monroe, tout ça. Mais peut-être on a une certaine... Peut-être qu'ils prennent pour des débilos, parce qu'on ne rentre pas dans les cases sociales. On y prenne pour des débilos, parce que peut-être on est trop anti, on est trop gentil. Mais je peux te dire, c'est nous, toi et moi, on vit, on ressent des choses qu'eux, ils n'ont jamais ressenties dans leur vie normale, avec les cases, avec les horaires, avec machin. Toi et moi, on ressent plus de choses. Mais je te le dis, je te le dis. Des fois, je leur parle à ces gens-là. Des fois, t'arrives j'y arrive, je prends sur moi, mais à un moment donné, je me dis, allez hop, je vais me foudre un peu dans la masse pour savoir ce qui se passe. Ben, je peux t'assurer que c'est pas la fête. Hein. Non, moi je suis avec. Ils ont peut-être plus d'oseille que nous, peut-être ils ont une stabilité sociale. L'oseille, c'est de la salade. Voilà. Peut-être ils ont une stabilité sociale que toi et moi on n'a pas, je sais pas. Mais je peux te dire que là, c'est vide. Mais ils sont vides, durs et vides, rigides, durs et mous. Exactement, horrible. Ils sont tous ça à la fois. C'est horrible, oui. Il y a deux semaines, je me suis embrouillée. C'est ça l'asile, c'est à l'extérieur, l'asile. L'hôpital, il est à l'extérieur. Il y a deux semaines, je me suis embrouillée avec un de mes rancards. Il fait, oui, je comprends pas. Toutes les femmes avec qui je short, elles font ce que je leur dis. J'ai refait leur appartement, je les aide financièrement, machin. Il m'a dit ça. Le mec, j'ai laissé se vider. C'est un gros macho, en fait. C'est un enculé. Les D'accord. mecs, j'ai laissé de vider, se vider. Comme les psys font avec nous, ça, ils nous regardent nous vider. Et puis, à un moment donné, il fait, ça aurait été plus facile, Sophie. Et là, je lui ai coupé la parole. J'ai dit, si seulement je me serais prosternée à tes pieds. Il ne savait plus quoi dire. Donc voilà, il ne savait plus quoi dire. Le mec, en fait, il n'a pas d'emprise sur moi. Parce que tu lui as dit ce que lui, il aurait toujours voulu que tu fasses. Et les gens peut-être. Dehors n'ont pas d'emprise sur les gens comme toi, moi, lui, le médecin ou eux. C'est pour ça qu'ils ont le seum. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas d'emprise sur nous. Voilà. Ceux qui ont les belles bagnoles, tout ça, le machin. Tu vois parce ce que qu'il je veux faut, dire il faut, oui, mais parce que tout à l'heure, on parlait des remparts et de toutes ces choses qu'on construit pour se protéger. Il faut les faire sauter, en fait, ces remparts. Ouais. Faire sauter les remparts. Eux, ils ne les ont pas fait sauter. Et non, ils ne les ont pas fait sauter, ils les ont encore. Ils les ont encore, mais toi et moi, on les a fait sauter. Ou en tout cas, la société les construit pour eux et avec eux, avec leur consentement. Tu as tout compris. Et quand ils voient que nous, on y arrive sans eux, ils ne comprennent pas. Il y a la jalousie qui s'installe. Pourtant, ils ont et oui, ils sont très jaloux, très à mon jaloux. Avis. Pourtant, ou envieux, voiture, peut-être pas forcément jaloux, mais... Moi, mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à dominer Sophie, ou il arrive pas oui, à dominer... Oui, c'est toujours de cette logique descendante ou ascendante qui est gênante, quoi. Ils sont un peu condescendants, tu vois. Condescendants, bah alors oui. Alors moi, quand t'es condescendant avec moi, je t'extermine. C'est je bois ton sang. Voilà, c'est bien dit, c'est pas mal. Je bois ton sang. Allez, il est 17h25, on est de retour en direct sur Pinode, excusez-moi de vous couper, on est en retour. D'a couper l'énergie, mais vas-y, tu voulais oui, dire oui, quoi je coupe l'énergie, je suis comme ça. De t'es toute un façon, d'énergie. Il faudra s'habituer parce qu'à la. On va t'appeler le gâcheur. En hiver, il n'y aura plus d'électricité, donc il faut s'habituer à couper d'accord. l'énergie. Blackout total à partir de bientôt. Voilà, exactement. Dans les salles. Non. Voilà. On a encore une demi-heure devant nous. Quand t'es condescendant avec moi, je bois tout. Malheureusement, on a perdu plein de des os, c'est un cure-dent. Fulgurantes discussions sur de ça. C'est tout. Donc voilà, on continue. Il y a un mérocard, une semaine, direct. Je l'ai recadré. Le mec, il ne sait même plus où il habite. Pourtant, non mais le mec, sang, quand c'est dégueulasse, ce n'est pas bon non exact. Plus. Hein. Ce n'est même pas du vin, c'est la couleur du vin. Mais tu vois la boîte Vinci, c'est marqué. Non, je ne connais pas. Je connais pas les marques, les trucs voilà. comme ça. Les non, machins. Qui fait du bâtiment. Non, je le mec, pas. Il bosse ah, là-bas. Oui, j'ai vu, pardon, excuse-moi. Il bosse au Black pour 400 euros. Il bosse là-bas, il a une bonne paye. Toutes les nanas lui cirent les pompes. Mais arrivé à moi, il bug. On va passer à la musique. Arrivé à moi, non, il bug. Et comme tu l'as dit, ça le rend agressif. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'autres réponses à voilà. fournir que, excusez-moi, docteur, que voilà. leur petite colère ou agressivité. Semaine. Il est venu chez moi, Tony Truant. Il a commencé à mal me parler, il me traitait tous les noms. Je lui dis, c'est bon, t'as fini ? Il me fait oui, je fais bon, écoute, là j'ai ma série qui va commencer. Je propose qu'on remette cette conversation à plus tard. Au revoir. Au revoir. Et donc sur ce. J'ai fermé la porte et j'ai regardé ma série. Toute la semaine, il m'a appelé. Ouais, t'es qu'une connasse et tout. J'en ai rien à foutre. C'est tout. Voilà. Merde. J'ai voilà. Pas tout, et j'ai pas. On a voilà. fait. Elle a fait du boudin. Bien, par contre, et en parlant de boudin, Mais qu'est-ce qu'elle fout avec. Voilà. T'as mis le doigt dessus. Il y a peut-être putain, une musique qui va passer en parlant de boudin. Vache. Eh ben, on va mettre une musique en attendant. Comme ça, on va pouvoir réfléchir est, à ce qu'on pourra... Il est passé par mes sentiments. Non, du parce coup, qu'il fait bien l'autre. Là, que du coup, on va écouter quoi, monsieur le docteur ? On va m'écouter, moi. Je t'aime, moi. Serge Gainsbourg, Jane Birkin. Qui est... Excusez-moi, j'ai parlé de boudin. Je ne voulais pas du tout le faire. C'était pour moi. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. C'est pas pour les autres, hein. Dis ça, c'est Gainsbourg. Moi non plus. Oh là là. La voyance astrale tout de suite après la musique I Met You par Julien Cardo qui est moi du coup. Donc voilà. Et après, ça sera Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Je t'aime, mais je ne t'aime plus. Voilà. Since I love you. I've never felt pretty since the day you kissed me. Don't give up on me, don't give up on me. I need you so much, I need you so much. And if one day you don't understand, just go. I never felt I never felt lonely since I met you, since I love you. I never felt pretty since the day you kissed me. Don't give up on me, don't give up on me. you so much. I need you so much. I love you like no one else has. I make you my main thing. Just tell me you'll be alright with me. From morning to night, I want to see you shine, see you shine, my baby. Cause you have a dream to be my star. Cause you have a dream to be my star. My star. I never felt lonely since I met you. I've never felt pretty since the day you kissed me. Don't give up on me. Don't give up on me. I need you so much. I need you so much. Don't give up on me. Don't give up on me. I need you so much. I need you so much. I never felt lonely since I met you, since I met you, since I love you. Ooh, I've never felt pretty since the day you kissed me. Don't give up on me. Don't give up on me. I need you so much. I need you so much. I need you so much. I need you so much. Don't give up on me. Don't give up on me. Nous sommes de retour et on va écouter une autre musique, celle de Siol à mon avis. Car on est en pleine pause clope, mais voilà. Donc, tu peux brancher ton téléphone effectivement. Alors, je te laisse reprendre le truc. Allô, Julien, c'est toi qui devais nous montrer un peu, nous parler de ta musique. C'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a écouté tout à l'heure ? Peux-nous dire alors, un peu là ? Alors, on a écouté Met You, une composition que j'ai faite. Donc, j'ai écrit les paroles. J'ai pas malheureusement eu le courage, on va dire, de faire la musique, l'instrumentale. J'ai pris une instrumentale un peu chill, comme ça, pour pouvoir changer un peu de registre, parce que je fais énormément de chansons en français. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une musique en anglais. Et du coup, c'est une musique qui parle du fait que la personne ne s'est jamais sentie aussi seule depuis qu'elle a rencontré cette personne. Et c'est une musique qui est à la fois triste et joyeuse, parce que du coup, les paroles disent « Je ne me suis jamais senti aussi seul depuis que je t'ai rencontré, je ne me suis jamais senti aussi beau depuis que je t'ai embrassé », des choses comme ça, donc c'est plutôt encourageant. Et voilà, donc ce que je propose maintenant, c'est qu'on écoute une musique de Siol. Il faut la télécharger un petit peu. Donc on a... D'accord. Bah, Siol, si tu as un micro à côté, est-ce que tu pourras nous parler de... câble pour sortir. Tu n'as pas un mini jack? Si, il a un mini jack. Bah, montre. Si, tu l'as, c'est bon, tiens. Ah bah, c'est bon. Concernant la musique que je veux passer, c'est pas forcément ma musique, c'est deux musiques que j'ai combinées. Ah oui, donc c'est le fameux mashup. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, alors c'est du rap et de l'acidcore, si j'ai bien retenu. C'est ça. C'est donc, exactement ça. Et du coup, je vais vous demander de choisir entre. Parce que j'en ai fait deux. Ouais. Et donc il y a. Vous avez un choix. Donc il y a Commando, Attack. D'accord. Ou bien 303 Ecstasy. Eh bien, vous les auditeurs, on vous laisse quelques secondes pour choisir. Vous nous envoyez un ou deux au 3630. Et en marquant Métanoïa au début avec un ou deux. Et on vous dira tout de suite les résultats. On attend quelques secondes. Et les auditeurs ont choisi la musique numéro 2. Donc 303. Ecstasy. Ecstasy, voilà. Ok, c'est parti. On est prêt ? On est prêt. C'est parti.

hallucine par balle. Retourne le half pipe, c'est mieux. C'était les deux voilà, mashups voilà. Qui sont passés. Alors, envoyez-nous un... Pardon, oui, bon, c'est bon. Non, il n'y a aucun souci. Bon, ces deux mashups, c'est pas forcément... c'est de la frappe-core. Donc, si quelqu'un veut retrouver le nom du genre musical, c'est de la frappe-core. Ça existe. J'ai pas inventé ça. Donc, c'est juste que j'ai fait à ma sauce. Voilà. Ok, bah écoute, c'est de la frappe-core. C'était donc, plutôt cool. Que, le pionnier de la frappe-core, c'est Von Bicrave. Von Bicrave. Voilà, c'est lui. C'est lui qui a propulsé le genre de la frappe-core. Eh ben, on va demander vos avis à vous autour de la table. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Merci beaucoup. C'est un mélange de Jean-Michel Jarre et de Jungle. J'ai adoré. Et on va demander ensuite aux auditeurs, en renvoyant au 3630, quelle a été votre mash-up préféré entre le 1 et le 2 que vous venez d'écouter ? Et 3630, en mettant Metanoia. 3630, c'est pas la 3615 ULA. 3630, c'est la CAF, ok. Ouais, je ne savais plus quoi choisir. Sur notre numéro, perso, tout ce que vous connaissez ici. Et si alors, il faut donner le numéro. Surtout là, parce que tout à l'heure, il y a l'astrologie de Jean-François Ossiane. Donc, si vous voulez il est hyper vous doux. Faire lire le tarot marseillais. Astral, marseillais, mais en même temps, hein numérologie dans sa tête. C'est appelez-moi, appelez-nous au 06 58 49 01 01. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez rajouter un plus 33 et vous nous appelez et vous êtes en direct à la radio Metanoia. Parlez français. Parlez français, oui. Mais sinon, c'est pas grave, je vous traduis. Il n'y a pas de souci. De manière qu'on puisse comprendre, et articuler. Loïc, c'est toi qui chantais ? C'est toi qui faisais la voix ? Loïc d'accord. Parle de tes sentiments. C'est un mix alors. Hein, qu'est-ce que tu veux ? Un mashup, ouais, je connais pas du tout les termes en fait. Attends, micro. Loïc, d'accord. Lâche-toi. Merci. Parle de tes sentiments, parle de toi, lâche-toi. Allez, lâche-toi, Loïc. Déjà pour répondre à. C'est Fabien, c'est ça ? C'est Fabien, oui. Ok, donc Fabien, en fait, j'ai juste combiné deux genres musicaux, donc la setcore et le rap. Ouais. Ça a donné ça, donc la frappe-core. D'accord. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça a déjà été fait. C'est acide. L'acide, ouais, c'est bien acidulé. Acide, mais pas aigre, ni aigrelet, ni grillard. En fait, on sent bien l'acidulé quand. En fait, on différencie bien l'acide core et tout ce qui est techno. L'acide, c'est les 303, c'est la bassline, et on me les sent bien. Ouais. Mais comment tu différencies l'acide de la techno basique, traditionnelle, si on peut parler tradition dans ce genre de... Bah, c'est la 303, c'est la bassline 303, c'est les basses. C'est les basses bien aiguës qui font... je peux pas le faire. D'accord. Mais pour en profiter au maximum, il faut que vous preniez au moins de l'ecstasy. Oui, je crois. Comme ça, vous ressentez tous les effets. Le problème de l'ecstasy, c'est que quand vous reprenez, vous revenez pas sur Terre. Vous revenez, mais mal. Vous avez déjà testé ? Les mecs, vous les voyez comme des zombies en boîte. C'est la descente. Une fois, j'ai pris des amphétamines, un ou deux cachets d'amphétamines, un à la fois, et ça m'a fait sauter en l'air comme un lapin. Je sautais sur mon micro-ondes, j'avais l'impression de voler sur la galaxie, je sais pas comment, Xion. Et quels sont les effets de l'amphétamine, du coup ? Eh bah, ben, tu sautes. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est speed, ça rend speed. Ça speed, ouais. C'est ça, le fameux speed. On peut pas pour toi, Julien, parce que tu sautes sur tout. Micro. Ça fait un l'état la descente c'est la descente elle est comment après je m'en rappelle plus. Double tranchant. En fait le speed ça speed là, l'amphétamine speed au début et ensuite une fois qu'on descend on est soit parce que ça agit sur la sérotonine, ça nous fait soit déprimer, soit on est trop fatigué, notre corps il est vraiment épuisé. En fait ça la descente elle est pas à top quoi. Non, en fait moi je sais que quand j'ai pris alors au standard nous avons la police qui nous appelle. qu'est-ce qu'on fait les gars? Prenez du LSD, c'est mieux. OK. Le LSD c'est bien. Ça c'est vraiment C'est vraiment autre chose. Bah, j'ai vu pas mal de choses sur moi de faire. Des gens qui prennent du crack, qui se branlent. Non, on peut crack à Paris. Le crack, non, du crack. Le crack, c'est pas bon. Il faut pas prendre ça. Ils regardent un film de cul. J'en connais un. Ah oh merde. C'est qui? J'ai pas à dire la personne. C'est Docteur Serra? Oh bah non, lui, il a la tombe. Alors je vais vous dire, celui-là, il se boit, et puis ça sort pas. J'ai mon pauvre con, vas-y. Et je le connais ou pas? Oui. D'accord. C'est pas toi, chérie. Du coup, il a pas craqué. C'est pas donc. Toi. Mais je le connais. D'accord. Moi, quand je me prends, même s'il a pris du crack. J'ai des crépis. Hein. Ah. Tu vois, des crépis. Hein. Il y en a partout. Hein. Mais sinon, on va faire un tour de table. C'est bon, les crépinettes, vous aimez ça? Moi, c'est de la saucisse, la chair à saucisse. Bon, on va faire un tour de table sur les drogues que vous avez pris. On va prendre la crépinette, j'adore la crépinette. Non, mais on va faire un tour de table sérieux pour faire de la prévention. Quelle drogue vous avez pris dans votre vie? On va commencer par Jean-François Océane parce que ça a l'air d'être passionné. Moi, personnellement, ça fait ça. Des drogues et de cul. Et ça a réussi. Jamais de coke. Pour la famille, mais je les emmerde. Jamais de coke? T'as bien. Ah non, surtout pas. Ça bouffe le nasal, ça détruit le cerveau, ça détruit. Le palais, ça détruit les dents, ça détruit. Vous avez l'air de vous y connaître. Fais gaffe, ça. J'ai vu des gens vraiment dans un sale état là, avec ça. Oh là là. Alors toi, tu prends du shit. Oui, de toute façon. D'accord. C'est tout ce que vous prenez? Depuis 5 mois, oui. Depuis 5 mois. Mmh. Fabien, vous avez déjà pris ou consommé de la drogue? Alors, j'ai consommé du shit beaucoup. Ouais. De l'alcool sporadiquement, de temps en temps. Ouais. Plus ou moins en quantité. Des fois, c'était un verre ou deux, des fois, une bouteille entière de vodka. Et puis sinon, les enfêtes, j'ai acheté deux il y a longtemps, avant d'être suivi ou pendant, je ne m'en rappelle même plus. Deux comprimés, j'en ai acheté deux. C'était 50 balles la pilule, c'était très cher. Et j'en ai pris deux. Et on m'a dit que c'était de l'ecstasy, d'ailleurs, c'est une pilule bleue. Mais en fait, je crois que c'était des enfêtes parce que j'ai eu des échos après. Quoi. Et t'as eu ta période d'alcool? Et les médicaments, sont-ils des drogues, peut-être? Les mecs, combien de bouteilles tu descendais? Ah, une bouteille de vodka, oui. Et tu voyais Madame Firoy à l'époque ou pas? Oui, elle avait peut-être, oui. Ouais. Ça marchait pas alors. Hein. Non, mais elle me faisait boire. Ah d'accord, ok. Parce que bon bah, on va éviter de parler du cadre. On va essayer d'accord. de parler plus de drogue parce que c'est plus intéressant. Alors Siol, qu'est-ce que tu as pris? Lui, je pense qu'il a pris quelque chose avant pourquoi de venir. Pourquoi tu t'es drogué? Pourquoi? Non, quand t'étais petit, qui te tabassait à la récréation pour que plus tard tu te drogues, pour effacer ce souvenir douloureux de ta tête, de l'enfance. Là, je me suis transformée en Madame Firo de ton enfance. Donc voilà. Non, je pense pas que ce soit forcément dû à mon enfance ou à mon mauvaise fréquentation. Mais c'est juste que j'ai expérimenté pas mal de choses et j'ai expérimenté toutes sortes de drogues à part intraveineuses et crack. Mm-hmm. Donc j'ai pris kétamine, LSD, ecstasy, MDMA, bon c'est la même chose, amphétamine, cocaïne. Ouais. Et je crois que c'est tout. Hein. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que vous traîniez à Châtelet? Non. Non, parce qu'il a une tête à traîner à Châtelet. À Châtelet, dis donc, non. Non, pas du tout. Mais je pense que celle qui m'a fait arrêter toutes les drogues, c'est le LSD. Ah ouais? Parce que j'ai pris ça 2-3 fois et la troisième prise a été fatale parce que. En fait, non, on ne peut pas mourir sous LSD, on peut juste bad trip et finir perché à vie. À vie, ouais. Et j'ai bad trip pendant 12 heures. Mm-hmm. Du coup, j'ai appelé les pompiers. Ouais, je sais, c'était bête. Pendant 12 heures, t'étais où? J'étais dans le. La birette de Pan, Alice au Pays des Merveilles. T'étais où pendant 12 heures? J'étais dans un monde parallèle. Un monde parallèle ou un monde où. Les couleurs, les formes, les motifs étaient. Distordus, mais ouais. C'était pas humain. Il y avait des motifs. Par exemple, là, si, je sais que quand j'ai pris la troisième dose, ou même la première dose, hein. La montée, c'était je voyais des fleurs apparaître sur les murs et des motifs très très beaux. Hein. C'était magnifique, hein. C'était vraiment beau. Oui, mais j'ai pas. Et pourquoi du coup tu t'as fait ça par choix ou? En fait, la première fois qu'on m'a proposé de prendre du LSD, on m'a pas averti sur le fait qu'il fallait déjà être stable psychologiquement pour en prendre, parce que quand on est instable, en fait, on peut battre facilement sous cette substance. Et je l'ai pris avec des amis qui n'étaient pas forcément des bonnes personnes. Et à un moment, ils m'ont fait câbler parce que, en fait, le temps est distordu en fait dans cette drogue. Du coup, je les voyais en fait avancer et reculer en même temps. Avec des têtes de hibou, tout ça. Non. Juste en fait, le temps était accéléré, ralenti. Chouette alors. Mais est-ce que, pardon, excuse-moi, est-ce que tu penses que les gens stables psychologiquement s'orientent naturellement vers les drogues ou pas? Bonne question. Non, je dirais juste que... La boisson plutôt, la fumette. Bah après, qui est réellement stable dans cette vie, je sais pas. Bien sûr, et c'est ce que je voulais dire, c'est que tu me dis que les gens instables, s'ils prennent des drogues dures, c'est pas bon pour eux. Mais... Surtout hallucinogène, parce que hallucinogène, quand t'es instable, moi je sais que c'était bien ça. Mon problème, moi, c'était l'incertitude. J'étais incertain dans ces moments-là. Bah, quand t'es incertain et que tu prends du LSD, en fait, tu... Bah, c'est l'incertitude totale en fait, je sais pas ce qui se passe. J'étais à un moment sous LSD devant ma mère et je la voyais pleurer, rigoler, sourire. Et ça t'a fait peur en même temps. Et je comprenais pas en fait. Du coup, je lui ai demandé: maman, tu pleures, tu rigoles, tu souris? Et je comprenais pas en fait ce qui se passait en fait. Et en fait, elle pleurait pas, elle rigolait pas, elle était juste en train de prendre son verre de lait. Mais moi, je la voyais en train de pleurer, de rire. Et quel effet ça t'a fait C'est peut-être des grimaces. T'as jamais eu TS, tentative de suicide? Non, jamais. Mais ça t'a pas provoqué des envies La première fois, quand j'ai pris avec les amis, quand ils m'ont fait câbler avec le temps, quand le temps se mettait à ralentir et à accélérer, et je comprenais pas ce qui se passait, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, je suis resté bloqué sur la drogue, j'ouvre la fenêtre. Et comment tu as fait pour t'en sortir du coup? Si tu as... Bah non, en fait, au final, ils m'ont dit: Loïc, fais pas ça, on rigole. Ouais. Ouais. Non, mais t'as réussi à arrêter ou pas du coup? Oui, le LSD m'a fait arrêter les drogues parce qu'en fait, c'est le bad trip qui m'a fait. Qui m'a traumatisé en fait. T'as dit, il faut que j'arrête. Et si t'avais un conseil à donner à nos auditeurs qui nous écoutent? Pour les drogues? Pour les drogues, ouais. En général? Est-ce qu'il faudrait plus les tester pour voir ce que ça fait ou complètement les inter. Enfin, pas les inter. Ça va? Après, ou est-ce que tu les conseilles d'expérimenter, même si bon, faut pas trop, c'est tabou tout ça, mais est-ce que tu conseilles d'expérimenter pour qu'ils se créent leur propre idée, ou est-ce que complètement tu dirais non, ne jamais essayer ça, ne jamais faire. Bah, je dirais que, je sais plus. Du coup. Le LSD, je le referais, mais si je devais le refaire, je le ferais avec des bonnes personnes et je le ferais dans un cadre artistique. Parce que c'est... Mon Dieu, j'en sors plus ! Hurrah ! Je voulais quand même rajouter une petite chose. Moi, c'est pas hypocrite. Il y a une drogue, un truc qui rend peut-être accro, je sais pas trop, c'est la vie, en fait. Oui. La vie est peut-être. On est peut-être tous des drogués à la vie. Et parfois, il y a des effets secondaires. Et donc, on prend des trucs artificiels qui sont des trucs artificiels. Mais qui t'échappent à cette réalité, quoi. Oui, voilà. Mais quelque part, on vit dans un monde un peu. Dont on est addict parfois. Même si cette addiction, elle est saine. Mmh. Et addict à la vie. Peut-être, oui. Et au clope. Et vous, Sophie, t'as pas fini, pardon. Juste une dernière chose, mais ce qu'il faut savoir par rapport au LSD, excuse-moi, JF, je te passe le micro. Aller aux gens comme des bouts de plastique. Ça débride, en fait, le cerveau. En fait, de base, normalement, notre cerveau, bon, on a un cerveau qui est allumé de droite ou gauche, et sous LSD, en fait, toutes les parties sont activées. Donc, c'est, en fait, en temps normal, si on avait toutes les parties du cerveau activées, on serait tous en mesure de voir ce qu'on voit sous LSD. D'accord. Voilà. Okay. C'est tout simplement comme ça. Et en plus, c'est un mec qui a fait ça, c'est un docteur. Je crois que c'est un scientifique qui a créé la molécule. Ouais. Pas non. du tout. Non, non, pas. Non, c'est un. J'ai vu son nom. Ouais. Il l'a créé pour. Je sais plus. Surmenage pour. Non, en fait, il a testé la molécule sur lui. En fait, il faisait du vélo. Il faisait du vélo sur sous LSD. Et apparemment, ça. C'est vrai que ça. La respiration est beaucoup plus. Comment dire? Intenses. On a l'impression de respirer pour le monde entier. C'est de l'avant-garde psychiatrique? Non, c'est... C'est bon, t'as fini? Merci, désolé d'avoir... Non, mais t'inquiète, on va juste finir le tour de table, ensuite moi, on va passer à Jean. Comme d'habitude, et j'aurai pas Gainsbourg comme d'habitude, tu es toi et moi, on est toujours en dernier. Oh. Une fois, je me suis pris la tête avec lui, il a dit: bon, Sophie, t'as 5 minutes, vous rappelez docteur? J'ai dit: bah non, je veux plus. Voilà, non, c'est pas un docteur. Attention, c'est un psychologue. Mais il a fait des études pour ça. Oui, il c'est a fait pas un docteur, médecine. Un psychologue, mais pas c'est docteur. Docteur mais ici, il est pas. Merci. Doctorat aussi. Voilà, il y a un diplôme. Et du coup, on va terminer le tour de table, comme ça après on pourra mettre Gainsbourg. Docteur, vous avez... Oui, on pourra mettre Gainsbourg, mais avant on va écouter Jean-François. Du coup, est-ce que vous avez testé des drogues? Oui, mais c'est vraiment pas mon truc, parce que je suis déjà désinhibée à la base. D'accord. Et je faisais des crises de convulsions quand j'étais plus jeune. D'accord. Et je me méfie de ces trucs-là. Mais évidemment, quand t'es entre amis, tu vois, t'as envie d'être comme les autres, machin. La cocaïne, je sentais plus mes narines. Mm-hmm. Je suis rentrée, j'ai fait, je sais pas, de kilomètres à pied, je me sentais pousser des ailes, un peu comme dans le film Limitless. Mm-hmm. Je suis allée de là à là, je sais pas comment. Ah, c'est les ailes ? Voilà. Et est-ce que vous pensez que c'est... Le bédo, ça me fait peur. Ouais. Le bédo, ça me fait peur. J'avais grave. L'impression que la pièce tournait et voulait me manger. Mmh. Et que mon lit voulait me manger. Mmh. Ouais, voilà. Et je me suis dit, c'est pas ma cam. J'ai essayé pour être comme mes potes, tout ça, machin. Ouais. Ça n'a pas marché. Et vous regrettez ? Tu regrettes ou pas ? D'avoir arrêté ? D'avoir essayé ? Non. T'as des contacts ? Non. Ok. Il fallait que je sache parce que tout le monde avait l'air dans un autre monde. Moi, ouais. Je voulais être dans leur monde, dans leur trip. Franchement, ça m'a fait peur. Mmh. Faut le contrôler, ce truc, comme il dit. Ouais. Faut vraiment être expert. Faut l'arrêter. Faut, comme les artistes, tu vois. Ouais. Comme les Picasso, tout ça. Faut savoir contrôler ce truc. Ouais. Parce que sinon, tu pars en vrille. Les artistes sont pas tous des drogués. Hein. Ils sont pas tous forcément... Ils prennent pas tous des trucs. Hein. Comme parfois, c'est peut-être une légende, ça. Hein. C'est une légende urbaine, ouais, peut-être, ou campagnarde, ou rurale. Ou... Il reste 5 minutes d'émission. J'espère, mais c'est vrai que eux-mêmes, ils le disaient, qu'ils en avaient besoin de créer. Jimi Hendrix, il a dit qu'il avait besoin de créer. Fumer il y a des gens, oui, voilà. Mais peut-être ils ont un potentiel ou de la création à la base. Bon, peut-être il aurait dû venir ici, vers le docteur Serra, je sais pas. Peut-être non, mais que je pense ça... à Bukowski, par exemple, il a bu beaucoup, et ouais. C'est un génie. Après, allez, je suis d'accord avec toi, on n'est pas obligé de souffrir. On finit le tour de table, on finit le tour de table. Mais quand tu regardes... S'il vous plaît, on finit le tour de table. On a 4 minutes pour finir l'émission. 4 minutes de fin d'émission, donc on va faire... On a la chanson de Fabien qu'on devait montrer. Ah oui, ma chanson, enfin, mon boudin. On est parti en plein discussion, longue discussion. Et donc, on a les choix. Soit on écoute la chanson de Fabien, soit on fait l'astrologie astrale de... Envoyez-nous au 30. On écoute la chanson de Fabien. Fais-moi honneur, s'il te plaît. Honneur. On va rester l'astrologie. Honneur à Fabien d'écouter sa chanson. Merci beaucoup. Fabien, est-ce que tu peux nous dire quelque chose pour avant de... On fera l'astrologie, mais... Sur mon boudin, est-ce que vous savez ce que c'est l'East End? Alors, l'East End, c'est la banlieue Est... C'est la fin de la banlieue Est et le début donc de la banlieue Est pauvre de Londres. Et en fait, dans le boudin que j'ai fait, ça parle aussi de l'East End à Paris, donc, où c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Et voilà. Pierre demande à ça. Tu vois, t'aurais dû faire l'astrologie, t'avais le temps. Quoi okay. Voilà. Demande à ça. Et Seol, est-ce que tu peux mettre peut-être son YouTube parce qu'il a connexion? Moi, j'ai pas de connexion, donc si tu peux le faire. Attendez. Est-ce que tu peux mettre son à lui sur ton téléphone? Parce que là, j'ai plus de. Voilà. C'est YouTube. Et c'est après, si on aura le temps, on va faire rapidement du coup. Fabien Gourvel. Ah, c'est bordel. On a 3 minutes. On est totalement débordé. Oh bon, on peut finir un peu en retard, hein, c'est pas grave. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, y a plus de... ça passe plus sur les ondes FM. À 18h, on finit les ondes FM, donc on a 2 minutes. Fabien, enfin, je suis désolé, mais là, je pense qu'elles sont. Elles sont parties dans un délire. On a 1 minute. Loïc. Mon boudin. Fabien Gourdel. Please. Dis-moi, c'est quoi, c'est Fabien Gourdel. That is the end. Fabien Gourdel. D-A-S is the end. Gourdel. Voilà, en tout cas, j'espère tout que cas, vous avez... Si on n'a pas le temps de tout écouter, on fera... La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y a pas d'émission directe. Il y a juste d'émission de... qui sera un podcast la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir... Et on reprend en direct Radio Métanoïère le 24 août. En tout cas, la si vous avez... prochaine, on va mettre un podcast. Voilà, si vous avez apprécié l'émission, nous vous invitons, comme le docteur vient de dire, de nous... Enfin, on ne sera pas là la semaine prochaine, on sera là dans 2 semaines. Par contre, je mettrai un podcast, comme ça vous pourrez écouter, même si on n'est pas là. Vous pourrez écouter en podcast, du coup, en rediffusion l'émission. Non, ça c'est secret. En tout cas, j'espère que vous avez aimé notre émission. Si vous voulez, participer à notre émission, il suffit de venir à l'hôpital Villévrard à Bondy et on vous accueillera les bras grands ouverts. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Non, on est fini là. C'est fini. Il est 17h59. 18h. On met la chanson de Fabien. On n'a plus le temps. Il faut mettre les choses plus tôt. Oui, mais il est 18h. Il est 18h. On va le faire la prochaine fois. À la semaine prochaine, Radio Metanaya. h, fin de l'émission de Radio Metanaya. Tout de suite sur Pinot, c'est quoi comme émission? Et après, il y a un, je sais plus, il y a, tu m'as, il y a, qu'on s'appelle Radio Arzone. Radio Arzone. Voilà. À dans 15 jours, la semaine prochaine podcast. À dans 15 jours.